sa propre réflexion intellectuelle théorique, hein, si vous voulez. Et vous voyez, il dit je veux être un homme parmi les hommes, si tu es mon frère, je serai ton frère. Enfin, il y a tout un aspect, si vous voulez, un petit peu psychologique, hein, si vous voulez, mais en même temps, symboliquement, qui dépasse, si vous voulez, l'analyse théorique, conceptuelle, froide, qu'en général on préfère chez les philosophes ou chez les sociologues. Là, vraiment, il est toujours dans ce mouvement, hein, entre l'existentiel et le sociétal, et il est un peu moins que Césaire, puisque Césaire est plus poète que lui, mais d'une certaine façon, c'est cette dynamique qui est en marche. Si vous voulez, pour aller un peu plus vite, là, donc d'une façon, alors, Fanon choisit l'Algérie, on pourrait choisir l'Algérie, parce qu'il y a un poste libre à Blida, un hôpital psychiatrique de Blida, qui se trouve à quelques kilomètres d'Alger, un poste de médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida. Et là, il le choisit peut-être justement parce que je disais tout à l'heure, à savoir, il a rencontré ses travailleurs maghrébins et il a vu quelle était aussi leur situation qui vraiment l'interpelle. Donc il s'est dit, bon, ben, là-bas en Algérie, je vais voir justement de plus près la situation qui prévaut. Et là, il en poste en 1953, donc il prend un poste en 1953, donc à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Pendant ce temps, Césaire est relativement déçu par effectivement cette loi de départementalisation. Il voit que, contrairement à ce qu'on avait dit, ce que l'ensemble des majorités avaient mis en place, la condition des Antillais a évolué, mais relativement peu. Hein, oui. Il se dit qu'en fin de compte, quelque part, c'était peut-être pas l'idée fondamentale qui pouvait résoudre les questions. Il écrit un ouvrage, un pamphlet, Discours sur le colonialisme, en 1950, Discours sur le colonialisme, qui est vraiment extraordinaire de virulence. Hein. Extraordinaire de virulence pour un député à l'Assemblée nationale, etc., français, etc. Et là, il dénonce le colonialisme de manière, disons, pas outrancière, mais vraiment, il compare le colonialisme au nazisme. Pour lui, colonialisme et nazisme, c'est pareil. C'est-à-dire que les colons ont appliqué les mêmes méthodes que les nazis ont appliquées aux Français pendant l'occupation. C'est-à-dire torture, etc. Alors, donc, discours sur le colonialisme. Alors, évidemment, ceci a jeté un froid parmi, disons, un ensemble de la... Bien, donc, face à cette situation donc, de la départementalisation qui ne répond pas aux attentes, et face aussi au fait que le PCF, Parti communiste français, n'est pas très très dynamique vis-à-vis de, disons, des attentes des Martiniquais, Guadeloupéens, ou Réunionnais ou autres. Donc, en 1956, Césaire démissionne du Parti communiste. En 1956, donc, il a fait quand même 10 ans de présence au Parti communiste. Et il démissionne en 1956, et il y a eu aussi donc, la révélation du goulag, il y a eu, etc., il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, des rapports qui ont révélé, qui ont mis en cause le stalinisme, etc., donc si vous voulez, et entre autres en particulier, mais il y a aussi le fait que il le dit précisément dans sa lettre de démission à Maurice Thorez, il dit, si vous voulez, le Parti communiste a une attitude qui est proche des services de l'administration coloniale. C'est-à-dire qu'ils nous tiennent à l'écart, ils nous considèrent comme ils nous considèrent pas effectivement comme étant une entité particulière. Donc là, c'est ce problème de l'identité. Ils ne considèrent pas comme s'il y ait des spécificités qui relèvent justement de la Martinique ou de la Guadeloupe ou de la Réunion ou de la Guyane. Ils considèrent que c'est un apport. Hein. Alors ils sont très contents d'avoir des voix, de gagner des voix, dans ces départements, parce que ça renforce leur présence à l'Assemblée nationale. Mais à part ça, ils ne s'impliquent pas vraiment. Ils disent, de toute façon, vous les colonies, votre liberté ou votre autonomie ou votre quelque chose ne viendra que de notre propre lutte, hein, ou de la lutte au niveau international, c'est-à-dire les positions que prendront l'Union soviétique ou les positions que nous prendrons en tant que parti communiste par rapport, si vous voulez, la fédération martiniquaise ou guadeloupéenne, elle est un peu tenue... elle est tenue de façon, elle ne doit suivre que ce que le parti français décide. Donc ceci conduit Césaire à constituer en 1958 le Parti progressiste martiniquais. PPM, Parti progressiste martiniquais, qui donc il a quitté le parti communiste français et il met en place le Parti progressiste martiniquais qui continue toujours à exercer un certain nombre de fonctions aujourd'hui à la Martinique, telles que la mairie de Fort-de-France, et où c'est Serge Letchimy, donc successeur de Aimé Césaire, donc et disons secrétaire général du Parti progressiste martiniquais. Donc c'est un parti qui va s'instaurer, compte tenu aussi de l'importance d'Aimé Césaire sur la scène martiniquaise, si vous voulez, c'est quelque chose qui va perdurer pendant des décennies. Pendant ce temps-là, donc Fanon, confronté à l'Algérie en 54, début de l'insurrection, donc si vous voulez, confronté à l'insurrection, l'apparition du Front de Libération Nationale, il va être à l'hôpital psychiatrique. Il y a des personnes qui viennent, qui sont des Français d'Algérie, qui sont des Algériens, population classique, qui sont des soldats, des militaires, hein, qui viennent aussi pour des problèmes psychiatriques, et aussi des combattants du Front de Libération Nationale. Alors vous voyez un peu le mastrium dans lequel est confronté ce jeune médecin, il est quand même relativement jeune, ce jeune médecin, un chef psychiatrique, c'est là qui doit traiter de toutes ces questions, de toutes ces populations, et évidemment, ses intérêts vont beaucoup plus vers, disons, ceux qui militent du côté du Front de Libération Nationale que vers les soldats coloniaux, qu'ils soient métropolitains ou qu'ils soient carrément, disons, des personnes au comportement raciste et fasciste qu'il a connu précédemment. Donc, lui aussi, il envoie à la même date que Césaire une lettre de démission, si vous voulez, de son poste de 56, de psychiatre à l'hôpital de Milda. Et alors, que faire, lui, pour Fanon ? Alors, lui, donc, si vous voulez, il démissionne d'un poste de fonction important, etc. Donc, il est quand même, et en plus, il est un peu suspecté, si vous voulez, de connivence un peu avec le FLN, par les autorités françaises. Et donc, son choix à lui, maintenant, il n'y en a plus énormément. C'est-à-dire, soit il pourrait aller retourner aux Antilles, éventuellement, soit plutôt d'aller, c'est ce qu'il fait, en Tunisie, où se trouve le gouvernement provisoire de la République algérienne, en Tunisie. Hein, donc, d'Algérie, il passe par la France et par des moyens qui sont propres, et qui sont propres à ceux qui sont capables de convoyer des opposants. Il rejoint la Tunisie et à Tunis, il reprend ses fonctions de médecin, psychiatre, dans différents hôpitaux de Tunis, à l'hôpital La Manouba, à l'hôpital Charles Nicolle. Et en même temps, il écrit dans le journal El Moudjahid, qui est le journal du Front de Libération Nationale, provisoire de la République algérienne. Il écrit de très nombreux articles qui sont publiés dans l'ensemble de textes qui paraîtront à la fin, disons, une fois qu'il aura décédé, donc pour la révolution algérienne. Entre-temps, après Peau noire, masque blanc, nous avons eu l'enceinte de la révolution algérienne, donc une étude plus sociologique, hein, l'enceinte de la révolution algérienne, sociologie d'une révolution, ouvrage paru en 1959, donc c'est un ouvrage, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est disons, 150 pages à peu près, et l'ouvrage fondamental qui paraît en 1960, à la veille de sa mort, 1961, c'est Les Derniers de la Terre, l'ouvrage fondamental dans lequel il résume, il remet en forme l'ensemble de ses réflexions sur ce qu'il a pu observer, aussi bien aux Antilles qu'en Afrique. Parce que là, compte tenu du fait qu'il a été aussi représentant de la République, de la jeune République, du gouvernement provisoire de la République algérienne, il a été à Accra, il a été en Éthiopie, il a été au Congo, il a été dans beaucoup de pays, il a pu observer justement, parce que c'est la période de la décolonisation aussi, hein, les 59, 58, 59, 60, c'est la période de la décolonisation. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ce qu'il a pu tirer en termes de théorique et, si vous voulez, et spécifique sur ces éléments de décolonisation, hein, postcoloniaux, hein, des éléments postcoloniaux, puisqu'on est au-delà du colonialisme, hein, mais qui sont quelque part du néocolonialisme. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il se rend compte que c'est les bourgeoisies nationales qui remplacent les anciennes puissances coloniales. Hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est les petites castes aux dents longues, hein, ce qui est le terme qu'il en utilise, petites castes aux dents longues, si vous voulez, qui, dans les pays indépendants, s'approprie le pouvoir. Hein. Et, disons, à l'inverse de ce qu'on pouvait espérer, et ce que Fanon espérait, et ce que Césaire espérait aussi dans son contexte, c'est-à-dire à l'inverse de la montée des revendications populaires dans un contexte de socialisant, ou d'un contexte néo-autolutionnaire, ou d'un contexte où, effectivement, c'est les populations elles-mêmes qui prendraient leur destin en main. Là, les populations, si vous voulez, vont se retrouver très rapidement, que ce soit même si vous voulez, donc, l'exemple de la Guinée, hein, Modibo Keïta, en 1958, c'est le premier qui avait dit non à De Gaulle, hein. Il avait dit non à l'Union française, etc. Et donc, Modibo Keïta se réclamait du socialisme, du marxisme, etc. Assez rapidement, si vous voulez, Modibo Keïta va prendre une voie qui ne sera plus du tout celle qui lui prévalait, et il va tourner vers un pseudo-libéralisme, si vous voulez, dictatorial, qui va à l'encontre de toutes les attentes que l'on pouvait avoir sur le tiers-monde, hein, puisque c'était la grande époque du tiers-mondisme, hein, tiers-mondisme, c'est-à-dire l'idée que c'est le tiers-monde, si vous voulez, qui va peut-être nous montrer aux intellectuels, aux progressistes européens, puisque les progressistes et intellectuels européens n'arrivent pas vraiment à sortir de la situation qui est la leur, c'est-à-dire le prolétariat est encadré par les syndicats, les partis, etc. Bon, et puis il y a le socialisme entre guillemets réel, disons avec l'Union soviétique, il y a un blocage de la situation. C'est du côté du tiers-monde qui pourrait se passer des modifications extrêmement importantes. Donc, si vous voulez, ce sont quelques-unes des réflexions, si vous voulez, sur la violence aussi. Donc là, ben, je ne sais pas, on peut en parler plutôt dans le débat, enfin, si vous voulez. Mais si vous voulez, le problème de la violence, parce que souvent on a dit, alors, Fanon, c'est un apôtre de la violence. C'est pas un apôtre de la violence. Fanon, si vous voulez, il constate que la violence, c'est la violence, la scène primitive de la violence, c'est le colonialisme. Ce sont les populations européennes qui sont venues occuper et s'approprier les richesses d'autres territoires. Et ils l'ont fait, au départ, ils ont été accueillis de manière plutôt, pas forcément négative, mais très rapidement, les populations indigènes se sont rendues compte qu'on les pillait, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient pillés, hein, et c'est ce qui s'est passé dans les Caraïbes, hein, à savoir que, si vous voulez, dans l'île de Haïti, Saint-Domingue, si vous voulez, les populations qui étaient présentes ont été exterminées en très peu de temps, hein. Et ceci qui explique aussi l'esclavage, parce que compte tenu qu'il n'y avait plus de population, si vous voulez, pour travailler et pour exploiter les mines d'or ou ceci, ou travailler sur les plantations de canne à sucre, ils ont fait venir des populations africaines. Donc c'est la scène primitive, c'est la violence primitive, c'est le colonialisme. Hein. Et si vous voulez, et lui, quand il parle de violence, c'est réactif, hein, c'est de la contre-violence face à la situation qui est imposée à ces personnes colonisées. Hein. Donc c'est une contre-violence, c'est pas un apôtre de la violence. Hein. Parce que la violence, de toute façon, la violence, elle est malheureusement de tout temps, de toute l'humanité, hein, que vous connaissez aussi bien l'histoire de la Grèce, etc., les oppositions entre les villes antiques, etc., ou même antérieurement, si vous voulez, la violence, elle est malheureusement constitutive, hein, si vous voulez, de la difficulté du lien social, de la difficulté que les gens réussissent, si vous voulez, à s'accorder dans un contrat social, comme dit Rousseau, si vous voulez, qui fait que je suis ce que je suis tout en étant avec les autres. Et ça, très rapidement, si vous voulez, ça chope. Hein. Ça chope sur l'égoïsme, sur la vanité, sur l'orgueil, la nécessité de s'accaparer. Donc cette situation de la violence, hein, si vous voulez, chez Fanon, il faut vraiment la mettre à distance. Hein, vous voyez. C'est pas un apôtre de la violence. Hein. C'est simplement quelqu'un qui réfléchit sur la façon dont les populations, disons, ex-colonisées ont pu réussir à sortir du statut colonial. Donc, alors, il a d'autres choses. Bon, je ne sais pas, si vous voulez plus partir sur un dialogue. Ou il y a le problème aussi du statut, hein, des artistes et des intellectuels, hein, colonisés, ex-colonisés. Hein. Il y a eu donc deux congrès importants. Hein. Il y a eu deux congrès importants qui ont lieu. Le premier congrès des écrivains et des artistes noirs, la Sorbonne, en 56. Hein. En 56, un très grand congrès qui a réuni des artistes et des écrivains noirs, aussi bien des États-Unis, d'Afrique, des Antilles, de pays qui ont réfléchi sur quel statut qu'est-ce que peuvent faire les écrivains et les artistes noirs face à la situation encore coloniale en 56. Hein. En 59, il y a le deuxième congrès des écrivains et des artistes noirs qui se tient à Rome. Et là, évidemment, en 59, c'est pas 56. Hein. 59, c'est après la décolonisation. Donc à ce moment-là, si vous voulez, l'aspect politique va nettement plus prendre le pas sur l'aspect culturel du premier congrès, hein, de 56 où, et puis, alors, dans ces deux congrès, César et Fanon étaient présents. Hein. Alors, César et Fanon, et voilà, alors, ils se sont peu rencontrés. Hein. C'est ça qui est étonnant. Hein. Ils se sont peu rencontrés. On dit, certains disent, certains biographes disent que Fanon était l'élève de César. A priori, c'est pas la réalité. Compte tenu de, si vous voulez, à la fois de l'âge de l'un et de l'autre, du fait que, si vous voulez, Fanon a été à la Dominique, Fanon, etc., a fini son baccalauréat après son retour de France. Hein. Et Césaire, si vous voulez, il a enseigné, mais pas... alors, ils se sont connus dans le sens où Manville, Marcel Manville ou d'autres lui ont donné les cours de Césaire. Hein. Évidemment, Césaire, c'est une personnalité incontournable à Fort-de-France. Donc, là, donc il n'y avait pas de... Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais il n'y a pas, si vous voulez, ils se sont peu fréquentés, hein, si vous voulez, ils sont peu fréquentés. Et leurs parcours sont différents, hein, comme j'ai essayé de le montrer, leurs parcours sont nettement différents. Donc on voit bien qu'entre un départementaliste proto-communiste, etc., et martiniquais, et un partisan du tiers-mondisme, si vous voulez, engagé en Afrique, alors que lui-même, il est ni musulman, il ne parle pas l'arabe, il est noir, etc. Donc c'est quand même, oui, donc c'est des différences qui sont quelque part complémentaires dans le contexte général, si on prend le contexte général, mais qui sont quand même extrêmement différents dans les parcours. Hein. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais vous présenter. Mais évidemment, il y a d'autres points sur lesquels on peut, sur le transnational ou sur évidemment ce qui est plus présent aujourd'hui. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Hein, c'était vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Notre habitude, c'est de faire une petite pause, là, et ouais, puis je vais poser une question très importante sur qui reste déjeuner, c'est la question habituelle, et après on reprend la discussion. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, sur le transnational, sur le métissage, la probabilité, j'en ai peu parlé, mais bon, bah, ça peut aussi... Tout à fait. Donc je coupe un instant les enregistrements, et si